c'est une chanson dédiée pour les petites bêtes qui mangent les salades et qui rampent tout doucement, qui font plein de baffes partout. C'est hideux, en plus on les mange. Pauvres petites bêtes, quoi. C'est une chanson qui est spécialement dédiée aux escargots. Toi l'escargot sur les salades, t'as du boulot quand tu te balades. Escargot tout chaud, escargot tout beau, escargot tout gros, escargot il sait haut. Tu es lent, tu peux pas tout manger, t'as pas le temps. Sinon ça va casser. Escargot tout chaud, escargot tout gros, escargot tout gros, escargot il sait haut. Fais gaffe l'escargot, y a des produits. Tu vas devenir marteau, attends la pluie. Escargot tout chaud, escargot tout gros, escargot tout gros, escargot il sait haut. Un jour tu finiras comme tes copains, sur la table en repas, t'auras plus jamais faim. Escargot tout chaud, escargot tout beau, escargot tout gros, escargot il sait haut. Escargot. Escargot.